إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فعند الله للأتقياء مزيد ولهم النجاة يوم الوعيد أيها المسلمون اصطفى الله من عباده من خصهم بالفضائل العالية والنعوت السامية واختار بيوتا احتوت على كلمة الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال وتسلسل الفضل والتكريم إلى ذراريهم فشمل ذكورهم وإناثهم ومن تلك البيوت بيت النبوة والإيمان وشرف وصلاح قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقال ابن كثير رحمه الله اختار هذه البيوت على سائر الأرض وفي هذه البيوت امرأة عظيمة رفع الله شأنها وأعلى مكانتها وجعلها آية لجميع الناس قال عز وجل وجعلناها وابنها آية للعالمين قص الله عز وجل خبرها وخبر والديها وخبر والديها وولدها ونسبها وحمل أمها بها وولادتها وحضانتها ثم أخبر بأخبار حملها هي وولادتها بابنها ومكان وضعها وذكر تعالى أقوالها وأفعالها ثم سيرة ابنها امرأة كملت من النساء قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران متفق عليه نادتها الملائكة مرة بعد أخرى لم يذكر جل وعلا في كتابه اسم امرأة سواها تليت ما أنزل في كتاب الله عنها في مطلع سورتها على النجاشي ورجاله قبل إسلامهم فبكى وبكت أساقفته نسبها من آل عمران من سلالة النبي داود عليه السلام وإحدى السورتين الزهراوين سميت باسم آبائها آل عمران أثنى الله عليها في كتابه مرارا مبينا قدرها معلنا شرفها فقال عز وجل واذكر في الكتاب مريم فكانت أخبارها في كتاب الله مع العظماء من الأنبياء والمرسلين واختارها الله لتكون من أهل الجنة قال عليه الصلاة والسلام أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون رواه أحمد أبوها عابد صالح وأمها مؤمنة قانتة نذرت وهي حمل بها أنما ما في بطنها لله عز وجل محرر خادم لبيت المقدس إذ كان مليئا بالعابدين إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها إذا هي أنثى سمتها مريم وفي نفسها انكسار من الأنثى إذ كانت تطمع في ذكر لما فيه من القوة والخدمة لبيت الله ما ليس في الأنثى، فجبل الله قلبها وتقبل نذرها، وسارت هذه المولودة الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وفي يوم وضعها التجأت إلى الله عز وجل بالدعاء أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، فأجاب الله دعاءها وأعاذها وولدها من الشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. متفق عليه. آواها الله عز وجل وحفظها منذ صغرها، وتسارع الناس إلى حضانتها وتخاصموا في ذلك من أجلها، ثم اقترعوا في من ينال خدمتها، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكانت تحت رعاية النبي زكريا عليه السلام، وأنبتها الله نباتا حسنا. قال ابن كثير رحمه الله: أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا. فنشأت في بيت نبوة ودين، فكان قلبها مليئا بالإيمان الراسخ، صدقت بما أنزل الله من كتب، قال الله عز وجل مثنيا عليها: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وجوارحها عابدة لله راكعة ساجدة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبلغت من العبودية مبلغا كبيرا، قال الله سبحانه وتعالى عنها: وكانت من القانتين، شاكرة لربها، حامدة لخالقها. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. قامت بما أمرت به وصانت عرضها، فأبقى الله ذكرها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. اصطفاها الله على العالمين مرتين، اصطفاها فتقبلها بقبول حسن فكانت من العابدات، واصطفاها ثانية لتكون أما لنبي من أولي العزم، وطهرها من أعمال الشرك والعصيان. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قانتة عابدة توارت عن أهلها وهي في شبابها إلى مكان شرقي بينهم وبينها حجاب، فتمثل لها جبريل عليه السلام في صورة بشر سوي، في صورة جميلة وهيئة حسنة، فخشيت أن يكون رجل سوء فاعتصمت بربها، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فبشرها الله بولد وسماه الله جل وعلا عيسى قبل حملها به، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فنفخ الله فيها من روحه وسلمت الأمر لبارئها، فحملت به واشتد حياؤها، فاختفت عن الناس في مكان قصي لا يراها أحد، والبلاء محيط بها. ولما دنت ولادتها بعيسى أجاءها المخاض إلى جذع نخلة فتكالبت عليها الهمم وخافت من عدم صبرها على ما قضاه الله لها فتمنت أنها ماتت قبل هذا وكانت نسيا منسيا فسكن الملك روعها وثبت جأشها ناداها من تحتها ألا تحزني ولا تجزعي فقد جعل ربك تحتك سريا نهرا تشربين منه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا طريا لذيذا نافعا فكلي من التمر واشربي من النهر وقري عينا بالولد فأمرها الله بتفويض الأمر إليه ونهاها أن تكلم بشرا فإنه سبحانه هو الذي سيكفيها أمرها وقال لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فتوكلت على ربها وأتت بولدها إلى قومها فبهتوها بالأمر العظيم وقالوا لها لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا معها ولد من غير زوج فانحصر منها المقال فلا عذر عندها يقال وضاق بها الحال وفوضت أمرها إلى الكبير المتعال وأشارت إلى الولد أن كلموه فأنا بريئة من البهتان فإذا صبي في المهد يتكلم يبرئها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا آية تلو آية ليتحدث العالم بها جيلا بعد جيل صبي في المهد يتكلم وولد من غير أب ورزق يساق إلى المحراب ونخلة يتساقط تمرها بهز جذعها وملك يتمثل في صورة رجل بشارة لامرأة لا زوج لها بحمل وأنه ذكر وأن اسمه عيسى فكان كما أمر الله عز وجل وبعد أيها المسلمون فخبرها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين فالعزة والرفعة في الدارين إنما هو في التمسك بالدين فمريم قربت من الله عز وجل بالطاعة فعلت وسنى ذكرها والجنة والنار معدة للذكر والأنثى والتفاضل عند الله إنما هو بالإيمان والعمل الصالح ولتكن نية المسلم في كل خير قارنا فأم مريم نذرت إن رزقت بذكر لتجعلنه خادما لبيت المقدس فرزقها الله بصديقة تلد نبيا والعبد يقبل هبة الله له من ذكر أو أنثى فلا يعلم في أيهما النفع فمريم أنثى ورفعت ذكر والديها وفاقت رجالا وليسأل المسلم بركة الأولاد فمريم رزقت بولد واحد ولكنه كان رحمة من الله للعالمين والدعاء من أوسع أبواب العطايا والهبات. فأم مريم عند ولادتها التجأت إلى الله بأن يعيذ حملها وذريتها من الشيطان الرجيم، فحفظت تلك الدعوة مريم وحفظت ابنها وعصمهما الله من شرور إبليس، وتقبلها الله بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وفي زمن الفتن تشتد الحاجة إلى دعاء الأبوين للذرية بالهداية وإلى اللجأ إلى الله بعصمته منها، وصلاح الآباء يجري نفعه إلى الأبناء ذرية بعضها من بعض، ومن اتقى ربه رزقه من حيث لا يحتسب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ورزق مريم في مصلاها زاد من يقين زكريا، وتذكر أفضال الله وكرمه على عباده فالتجأ إلى الله بالدعاء، فوهب بعد كبر سن بيحيى نبيا من الصالحين. ومن حفظ الله عز وجل حفظ الله ذريته ولو في مهدهم، فمريم عليها السلام تسابق الناس إلى حضانتها ورعايتها لصلاح والديها، فحضنت في بيت نبوة في بيت زكريا عليه السلام وتولاها بعنايته. وشكر نعم الله تجلب المزيد، أسندت مريم نعمة الرزق إلى الله عز وجل وحده، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، فزادها الله من فضله العميم نعم متتابعة. ويجب على المرأة أن تلجأ إلى الله وتطلب منه العصمة من الفتن مع فعل الأسباب للبعد عنها. فمريم وهي في شبابها تمثل لها جبريل في صورة رجل حسن، فاستعاذت بالله منه وتوارت عنه مع بعدها عن أهلها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ومن تمسكت بدينها وصانت عرضها حفظها الله ورزقها من حيث لا تحتسب، أعاذها الله بعفتها ولدا من آيات الله ورسولا من رسله، وهو سبحانه على كل شيء قدير. والمسلم يتوكل على الله عز وجل ويفوض أمره إليه ولا يتعلق بالأسباب فحسب. فقد وهب مريم ولدا من غير زوج، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والقرب من الله عز وجل يجلب كل خير ورزق، فمريم لما قنتت ساق الله رزقها إليها في مصلاها، وأسقط عليها رطبا جنيا، وأجرى لها نهرا من تحتها. والمؤمن يتعرض للابتلاء، وكلما كان في دينه صلابه زيد في بلائه، ومريم البتول ابتليت ببلاء عظيم، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، بل زيد في بلائها أن أمرها الله أن تأتي بالمولود بين يديها أمام قومها وتنسبه إلى نفسها وهي بلا زوج، فسلمت الأمر إلى الله وفوضت أمرها إليه. ولئن صبرت امرأة على الابتلاء فالرجال أولى، والله سبحانه وتعالى لا يضيع من لاذ به ولا يخذل من لجأ إليه. ومن التجأ إلى الله عند المصائب أتاه الفرج من حيث لا يحتسب، وبأمر لا يصل إليه فكر البشر. فقد لجأت مريم عليها السلام في كربتها إلى الله عز وجل، فأنطق الله رضيعها بما يبررها ويرفع شأنها، والله رحيم بعباده. تمنت مريم الموت فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. ومن تعرف على الله عز وجل في الرخاء عرفه في الشدة. مريم تعلقت بالله في العبادة والعفاف، فحفظها الله في حملها ورزقها وولادتها ورفع ذكرها، والعمل الصالح عند الله محفوظ. كانت مطيعة لوالديها، بارة بهما، فبر بها ابنها، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. أيها المسلمون، الحديث عن أصحاب الجنة يدفع النفوس إلى النظر إلى سيرهم وما فيها من العبر، ليقتفي المسلم أثرهم ويقتدي حذوهم. وفي التاريخ نساء كملن في الفضل والتشريف، كمريم بنت عمران، وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وابنتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآسية امرأة فرعون، قدوات للنساء في العبادة والصلاح والستر والحجاب والعفاف والتوكل والصبر والحياء. وما أحوج نساء اليوم إلى أن يصرن على خطى أولئك الصالحات العظيمات في مناقبهن وفضائلهن، ليسعدن في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليما مزيدا. سشيك الله تبارك وتعالى أشوزي parmi ses serviteurs des gens à qui il a donné des caractères exemplaires et élevés, et il a choisi des familles où il y a des gens avec des spécificités complètes et dont le bien s'est étalé jusqu'à leur descendance, hommes ou femmes. Et parmi ces familles, il y a celle des prophètes, des familles emplies de foi et d'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala a élu Adam wa Nuh et la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Ibn Kathir rahimahullah disait, Allah Azza wa Jal a choisi ses familles au-dessus de toutes les autres familles sur terre. Et dans ces familles, il y a une femme pieuse et honorée. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé son rang et son degré, et il en a fait un signe pour tout l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et nous fîmes d'elle ainsi que de son fils un signe, un miracle pour l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte son histoire et l'histoire de ses parents et celle de son fils, et il nous donne également sa lignée. Et il nous raconte comment sa mère l'a portée dans son ventre, et comment elle l'a mise au monde, et comment elle fut éduquée. Ensuite, il nous informe de sa grossesse à elle, et comment elle a accouché de son enfant, et l'endroit où elle l'a mis au monde. Et il nous informe de ses paroles, de ses actes, et ensuite de l'histoire de son fils. C'était une femme parfaite, et cette femme était Maryam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les hommes qui étaient parfaits en mérite sont nombreux, alors que chez les femmes, seule Maryam, la fille de Imran et Asiya, l'épouse de Pharaon, était parfaite, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et les anges l'ont interpellée plusieurs fois, et Allah subhanahu wa ta'ala n'évoque aucun nom de femme si ce n'est dans le Coran. Allah azza wa jal n'évoque aucun nom de femme si ce n'est le nom de Maryam alayha salam. Les versets qui ont été révélés à son sujet dans une sourate qui porte son nom furent un jour lus à Najashi et à son assemblée. Et quand ils entendirent les versets, ils se mirent tous à pleurer. Et elle fait partie de la famille de Imran. Et elle fait partie de la famille de Imran, qui descend du prophète Daoud, alayhi salam. Et une sourate du Coran porte le nom d'un de ses aïeuls, la famille de Imran, Al-Imran. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de cette femme plus d'une fois dans le Coran. Et il montre son rang et son honorabilité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et mentionne dans le Coran Maryam. Et son histoire est mentionnée dans le livre d'Allah Azza wa Jal avec l'histoire des glorieux personnages que sont les prophètes et les messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour qu'elle soit parmi les gens du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleures femmes du paradis sont Khadija, la fille de Khuwaylid, et Fatima, la fille de Muhammad alayhi salatu wa salam, et Maryam, la fille de Imran, et Asiya, l'épouse de Pharaon, rawahu Ahmad. Et son père, le père de Maryam, était un adorateur pieux, et sa mère une croyante soumise. Sa mère avouait ce qu'il y avait dans son ventre exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, afin que le nouveau-né puisse servir la maison sacrée de Jérusalem, qui à l'époque était remplie d'adorateurs, et qui était remplie d'adorateurs soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit, rappelle-toi quand la femme de Imran a dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi, c'est toi certes l'audient et l'omniscient. Et quand elle l'a mis au monde, ce fut une fille, alors qu'elle voulait un garçon, car un garçon est plus approprié pour servir et travailler dans la maison sacrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepta le vœu de la mère de Maryam, et ce nouveau-né femelle devint meilleur que beaucoup d'hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puis lorsqu'elle en eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or Allah subhanahu wa ta'ala savait mieux ce dont elle avait accouché. Et le garçon n'est pas comme la fille, et je l'ai nommé Maryam. Et le jour où elle l'a mis au monde, sa mère se tourna vers Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant, et en lui demandant de la protéger, elle et sa progéniture contre le diable. Allah subhanahu wa ta'ala exauça son invocation, et il les protégea contre le diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un nouveau-né qui naît sans que le diable ne le touche. Alors ce nouveau-né se met à pleurer du fait qu'il soit touché par le diable, sauf Maryam et son fils Isa, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé depuis sa plus tendre enfance. Et les gens se sont précipités pour son éducation, à tel point d'en arriver à tirer au sort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leurs plumes en tirant au sort pour décider qui se chargerait de l'éducation de Maryam. Et tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient à son sujet. Et elle fut alors mise sous la tutelle du prophète Zakaria. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait grandir d'une belle croissance. Ibn Kathir rahimahullah a dit, et elle avait un aspect mélodieux et magnifique. Et elle fut éduquée dans une maison de prophétie et de religion. Et son cœur était empli d'une foi indélébile et inébranlable. Elle a cru en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme livre céleste. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en faisant ses éloges, elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Et ses membres, les membres de Maryam alayhi salam, étaient entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô Maryam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Elle a atteint un haut degré de dévotion et d'adoration et de soumission. Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'elle en faisant ses éloges, et elle fut parmi les dévoués. Et elle était reconnaissante envers son Seigneur, et elle louait son Créateur tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit, ô Maryam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah azza wa jalla. Et elle a accompli ce qui lui a été ordonné, et elle a préservé son honneur, et Allah azza wa jalla a perpétué son évocation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, de même Maryam, la fille de Imran, qui avait préservé sa virginité. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi sur tout le monde par deux fois, et Allah azza wa jalla l'a agréé et a été satisfait d'elle. Et c'est ainsi qu'elle fut parmi les adoratrices dévouées à son Créateur, et il l'a choisi une deuxième fois, afin qu'elle soit la mère d'un des cinq meilleurs prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Il l'a purifiée quant à commettre des actes de polythéisme, et il l'a écarté de la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes Allah azza wa jal t'a élu au-dessus des femmes du monde entier. Elle était soumise et dévouée. Elle s'isola de sa famille dans un endroit vers l'est, et elle mit entre elle et eux un voile. C'est à ce moment-là que lui vint Jibril alayhi salam sous la forme d'un homme parfait, beau et avec une carrure excellente. Maryam à ce moment-là, alors craint que ce ne soit un mauvais homme qui lui voulait du mal, elle demanda la protection à son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit, et elle dit, yani Maryam, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche pas. » Alors Jibril lui répondit, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils et d'un enfant pur. » Allah subhanahu wa ta'ala lui annonça la nouvelle d'un enfant qu'il appela Isa avant même qu'elle ne le porte. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Et rappelle-toi quand les anges dirent au Maryam, voilà qu'Allah azza wa jal t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie Isa, fils de Maryam, illustre ici-bas et dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah azza wa jal. » Alors à ce moment-là, Maryam alayhi salam a dit, « Comment aurais-je un fils, un enfant, quand aucun homme ne m'a jamais touché et que je ne suis pas une prostituée ?» Allah subhanahu wa ta'ala lui insuffla alors de son esprit et elle s'en remit à son créateur, tabaraka wa ta'ala. Elle le porta et sa pudeur se fit de plus en plus grande à tel point qu'elle se réfugia dans un endroit isolé de tous où personne ne pouvait la voir. Mais la difficulté l'engloba et quand l'heure d'accoucher de Isa arriva et les douleurs se firent sentir près d'un tronc de palmier, la tristesse l'enveloppa et elle eut peur de ne pas patienter sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a destiné. Elle se souhaita alors la mort et elle souhaita être totalement oubliée. L'ange la tranquillisa et apaisa sa crainte et l'a alors interpellée en lui disant, « Ne t'afflige pas et ne désespère pas car Allah azza wa jal a placé sous tes pieds une source, un ruisseau dont tu pourras boire. » Et il lui a dit aussi, « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres, des dattes délicieuses et succulentes qui te seront bénéfiques. Mange de ces dattes, bois de cette eau et réjouis ton œil de cet enfant. » Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna de s'en remettre totalement à lui et lui a interdit de parler à qui que ce soit, car Allah subhanahu wa ta'ala seul lui suffira. Allah azza wa jal a dit, « Et si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux et je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Elle s'en est donc remise à Allah azza wa jal et elle arriva avec le nouveau-né auprès de son peuple qui l'ont mise dans l'embarras et qui lui ont dit, « Ya Maryam, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle est venue avec un enfant sans père à sa famille et elle ne sut alors quoi dire. Elle n'avait aucune excuse et la situation devint alors étroite et sans issue de secours. Mais elle s'en remit à Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le très grand. Et elle fit signe de parler au nouveau-né qui était dans son berceau, car elle était innocente de toutes leurs calomnies. C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit apparaître un des miracles les plus surprenants et qu'aucun être humain ne pouvait s'imaginer. Le nourrisson qui était dans son berceau parla et innocenta sa mère en disant, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et il m'a recommandé la bonté envers ma mère et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. » Des miracles suivis d'autres miracles afin que les gens puissent les transmettre de génération en génération. Un bébé qui parle dans son berceau, un nouveau-né sans père, une subsistance qui arrivait à Maryam, à son lieu d'adoration sans qu'elle ne fasse quoi que ce soit, des dattes qui tombent en agitant simplement le tronc du palmier, un ange qui vient sous la forme d'un homme parfait, l'annonce d'une grossesse faite à une femme qui ne s'est jamais mariée, et que ce sera un mâle et que son nom est Isa, et tout cela se réalisa comme Allah tabaraka wa ta'ala l'avait décrété. Sachez que dans le récit de Maryam alayhi salam, il y a une exhortation pour ceux qui se rappellent, et que la gloire et l'élévation dans les deux demeures n'est effective qu'en s'accrochant à la religion. Maryam s'est rapprochée d'Allah tabaraka wa ta'ala avec l'obéissance et son rang fut élevé et son nom est mentionné jusqu'à nos jours. Et sachez que l'enfer ou le paradis, eh bien il est pour les hommes et les femmes, et le meilleur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui a la plus grande foi et celui qui a les meilleures des œuvres. Et sachez également que la personne, quand elle fait une œuvre, elle doit l'accompagner avec la bonne intention. La mère de Maryam alayhi salam avait voué ce qu'il y avait dans son ventre si c'était un garçon à s'occuper de la maison sacrée. Allah subhanahu wa ta'ala la gratifia d'une fille véridique, mère d'un prophète. Et la personne doit accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, car on ne sait pas où Allah subhanahu wa ta'ala a mis son bienfait. Maryam, malgré qu'elle soit une fille, eh bien par sa cause le rang de ses parents a été élevé et elle surpassa dans le bien énormément et beaucoup d'hommes. Et que la personne demande la bénédiction des enfants à Allah subhanahu wa ta'ala. on donna à Maryam un seul enfant, mais celui-ci fut une miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala pour tout l'univers. Et l'invocation, il faut savoir que l'invocation du'a est la porte la plus large des dons et des largesses. La mère de Maryam, au moment d'accoucher, se tourna vers Allah tabaraka wa ta'ala et lui a demandé de protéger son nouveau-né ainsi que sa descendance contre le diable. Allah subhanahu wa ta'ala a alors préservé Maryam grâce à l'invocation de sa mère. Et celui qui préserve les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal préservera sa descendance même dans leur berceau. Maryam, alors qu'elle était petite, les gens ont accouru pour s'occuper d'elle, et ceci parce que ses parents étaient pieux. Et elle fut alors éduquée dans une maison de prophétie, la maison de Zakaria alayhi salam. Et celui qui remercie les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal lui en rajoutera encore plus. Maryam alayhi salam a reconnu que les bienfaits qui lui arrivaient, eh bien, ils venaient seulement d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, quand Zakaria questionna Maryam et lui a dit: « Oh Maryam, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit: « Cela me vient d'Allah azza wa jal. » Alors Allah azza wa jal lui rajouta de son bienfait énorme et de ses biens qui ne s'épuisent jamais. Il est obligatoire également à la femme de se tourner vers Allah azza wa jal et de lui demander de la protéger contre les tentations, en faisant également les causes pour s'en écarter. Jibril alayhi salam est venu à Maryam alayhi salam sous la forme d'un homme beau et parfait. Et elle demanda alors la protection d'Allah azza wa jal contre lui, et elle s'écarta de cet homme, malgré qu'elle fût loin de son peuple et de sa famille. Et elle a dit: « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, et si tu es pieux, ne m'approche pas. » Et celle qui s'accroche à sa religion et qui préserve son honneur, Allah subhanahu wa ta'ala la gratifiera d'où elle ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala a protégé Maryam grâce à sa pudeur et lui donna un enfant qui fut un signe d'Allah azza wa jal et un messager parmi ses messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et le musulman doit se remettre à Allah azza wa jal et il ne doit pas s'accrocher aux causes seulement. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Maryam un enfant sans qu'elle n'ait d'époux. Allah azza wa jal a dit, et elle dit: « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché ?» Alors Allah azza wa jal a dit: « C'est ainsi. » Dit-il: Allah azza wa jal crée ce qu'il veut, et quand il décide d'une chose, il lui dit seulement soit, et la chose est aussitôt. Et le fait de se rapprocher d'Allah azza wa jal ramène tout le bien et la meilleure subsistance. Maryam, quand elle s'est dévouée à Allah azza wa jal et s'est mise à l'adorer, il lui ramena sa subsistance jusqu'à son lieu de prière sans aucun effort. Et il fit tomber sur elle des dattes fraîches et il fit couler sous ses pieds un ruisseau. Et sachez que le musulman, eh bien, il est confronté tous les jours aux épreuves. Et plus il est accroché à sa religion, et plus les épreuves sont grandes. Et Maryam, la Vierge, fut touchée par une grande épreuve. Elle a dit: « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché ?» Et on lui rajouta encore dans son épreuve, en lui disant d'aller avec cet enfant vers son peuple et sa famille, et en disant qu'il est d'elle, et qu'il a été conçu sans père. Elle se soumit au décret de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et s'en est remise à lui seul, azza wa jal. Et si une femme peut patienter aux épreuves, alors les hommes le peuvent aussi. Et sachez qu'Allah azza wa jal ne délaisse pas celui qui demande protection et ne trompe pas celui qui s'en remet à lui azza wa jal. Et celui qui s'en remet à Allah azza wa jal lors des difficultés, le secours viendra d'où il ne se doute même pas et d'où l'être humain ne peut s'imaginer. Maryam alayha salam s'est remise à Allah azza wa jal au moment de son épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler son nourrisson, son nouveau-né pour l'innocenter, et il a élevé son rang. Allah azza wa jal est aussi miséricordieux avec ses serviteurs. Maryam alayha salam s'est souhaité la mort, alors il l'appela au-dessous d'elle en lui disant: « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » Et sachez que parler des gens du paradis pousse la personne à suivre leur exemple et leur chemin. Et il y a dans notre histoire, eh bien, des femmes qui ont atteint un degré de perfection dans le bien et dans l'honneur. Des femmes comme Maryam, la fille de Imran, des femmes comme la mère des croyants, Khadija, la fille de Khuwaylid, et sa fille Fatima, la fille de Muhammad alayhi salatu wassalam, et des femmes comme Asiya, l'épouse de Pharaon. Ce sont des exemples pour les femmes, que cela soit dans l'adoration, dans la piété, dans la pudeur, dans le voile et dans la patience. Et les femmes d'aujourd'hui, wallahi, ont vraiment besoin de modèles, d'avoir ces modèles-là, et de suivre ses femmes pieuses et illustres. Allah subhanahu wa ta'ala dit: voilà ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a guidé, suis donc leur direction. Et inshallah, pour finir, comme on l'a dit hier et comme les frères sont venus, eh bien, juste avant la prière, juste avant la khutbah, vous en informez, on a des frères qui viennent des Mureaux pour la construction de leur mosquée, et ils sont venus pour que on les aide, bi'idhnillah, à terminer ce projet. Et ceci ne pourra se faire qu'avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec la solidarité des musulmans. C'est pour cette raison que je vous demande, comme je vous l'ai demandé hier, eh bien, de ne pas être avare avec vos frères et de les aider et de donner des largesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a gratifié. وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Et celui qui construit une mosquée pour Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal lui construira une maison au paradis. وَالصَّدَقَ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةِ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارِ. Et les aumônes, eh bien, elles effacent les péchés comme l'eau éteint le feu. Et celui qui dépense, eh bien, une chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui remplacera, et c'est Allah tabaraka wa ta'ala le meilleur des donateurs. ثم اعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بالملائكه المسبحه بقدسه وثلث بكم ايها المؤمنون من جنه وانسه فقال قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ويسر أمور المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا يا رب العالمين، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقامت الصلاة، فقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تراصوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة اعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inch'Allah, une information pour la semaine prochaine, pour vendredi prochain. Vu qu'il y a changement d'horaire, Inch'Allah, le Jumu'a prochain commencera à 13h30. À 13h30, Inch'Allah, la semaine prochaine commencera le Jumu'a. Allah y barik fikoum. Donc, Inch'Allah, faites attention. Allah y barik fikoum.